Lors vous n'aurez servante voyant telle nouvelle déjà sous le labeur à demi sommeillant qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, et, fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Monsieur Miroir, marchand d'habits, est mort hier soir à Paris. Il fait noir, il fait nuit, il fait nuit noire à Paris. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileuses et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres s'ils pouvaient aux servages incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoile vaguement leurs prunelles mystiques. Je me souviens de la bohème, de mes amours de ce temps-là. Ô mes amours, j'ai trop de peine quand refleurissent les lilas. Qu'est-ce que c'est que cette antienne? Qu'est-ce que c'est que cet air-là? Ô mes amours, j'ai trop de peine. Le temps n'est plus de la bohème. Au diable soient tous les lilas. Il pleut dans le petit jour blême. Il pleut. Nous n'irons plus au bois. Toutes les amours sont les mêmes. Les morts ne ressuscitent pas. Un vieil orgue, comme autrefois, mou, essoufflé, la marjolaine. Ô mes amours de ce temps-là, jamais les mortes ne reviennent. Elles dorment sous les lilas, où les oiseaux chantent ma peine, sous les lilas qu'on a mis là. Les jours s'en vont, et les semaines. Ô mes amours, priez pour moi. La chose fut exquise et fort bien ordonnée. C'était au mois d'avril, et dans une journée si douce qu'on eût dit qu'amour l'eût fait exprès. Thérèse, la duchesse, à qui je donnerais, si j'étais roi, Paris, si j'étais Dieu, le monde, quand elle ne serait que Thérèse, la blonde, cette belle Thérèse, aux yeux de diamant, nous avait conviés dans son jardin charmant. On était peu nombreux, le choix faisait la fête. Nous étions tous ensemble et chacun tête à tête. Des couples pas à pas erraient de tous côtés, c'étaient les fiers seigneurs et les rares beautés, les amintas rêvant auprès d'Éléonore, les marquises riant avec les monsignors. Et l'on voyait rôder dans les grands escaliers un nain qui dérobait leur bourse aux cavaliers. La nuit vint, tout se tut, les flambeaux s'éteignirent, dans les bois assombris les sources se plaignirent. Le rossignol, caché dans son nid ténébreux, chanta comme un poète et comme un amoureux. Chacun se dispersa sous les profonds feuillages. Les folles en riant entraînèrent les sages. L'amante s'en alla dans l'ombre avec l'amant. Et troublé comme on l'est en songe vaguement,